comprends. Et qu'est-ce qu'il faisait votre père quand vous étiez petit? Il travaillait dans une banque. D'ailleurs, il travaille toujours dans la même banque depuis 25 ans. Ah oui? Et quel genre de travail fait-il? Il est caissier, gardien de nuit? Il est vice-président. Il n'y a pas de sous-métier, comme dit ma tante Georgette. Elle reste silencieuse quelques instants. Il travaillait dans une banque. Une banque. Dans une banque. Il travaillait dans une banque. Il travaillait dans une banque. D'ailleurs, il travaille toujours dans la même banque. Dans la même banque. Il travaille toujours dans la même banque. Il travaille toujours dans la même banque. Il travaille toujours dans la même banque depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Il travaille toujours dans la même banque depuis 25 ans. Il est vice-président. Vice-président. Il est vice-président. Où le père de Robert travaille-t-il? Dans une banque. Qu'est-ce qu'il fait? Il est vice-président. Depuis quand est-il dans cette banque? Depuis 25 ans. Oh, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Que dit Tante Georgette à propos des métiers? Elle dit, il n'y a pas de saut métier. Excusez-moi, je dois rentrer chez moi. C'est loin chez vous? Est-ce que vous voudriez bien me permettre de vous accompagner? Non, ce n'est pas loin, c'est tout près d'ici. Et je veux bien vous permettre de m'accompagner, comme vous le dites très bien. On ne dit pas ça? Si, si, mais vous avez l'air si cérémonieux. C'est que je ne veux pas vous ennuyer. Vous ne m'ennuyez pas du tout. En fait, pour être franc, je vous trouve assez sympa. Enfin, je veux dire sympathique. Oui. Tenez, si vous voulez, nous pouvons aller nous asseoir quelques minutes au Luxembourg. C'est pas loin d'ici et puis je vais tout près de chez moi. C'est loin chez vous? C'est loin? Loin? C'est loin chez vous? C'est loin? C'est loin? C'est loin chez vous? Oh non! C'est tout près! Tout près! C'est tout près. C'est tout près d'ici. C'est tout près d'ici. Où habite Mireille? Est-ce que c'est loin de là? Non, c'est tout près. Vous avez l'air si cérémonieux. Vous avez l'air cérémonieux. Cérémonieux. Vous avez l'air si cérémonieux. Vous avez l'air si cérémonieux. Pourquoi Mireille se moque-t-elle de Robert quand il lui demande s'il peut l'accompagner? Comment le trouve-t-elle? Elle le trouve cérémonieux. Oh, vous ne m'ennuyez pas du tout. Non, non, non, non, non. Vous ne m'ennuyez pas. Vous ne m'ennuyez pas. Vous ne m'ennuyez pas. Vous ne m'ennuyez pas du tout. Pas du tout. Vous ne m'ennuyez pas du tout. Vous ne m'ennuyez pas du tout. Est-ce que Robert ennuie Mireille ? Non, pas du tout.